Hospitalisation du 5 au 26 avril 1975. 8 années passèrent, et ce furent à tous égards des années fertiles de mon existence. Je me mariai et eus mes 3 enfants. J'acquis également de ma partie une certaine notoriété qui me valut de devenir l'associé de 3 autres médecins dans l'établissement d'une clinique psychiatrique. Je décidai, non de continuer à recevoir dans mon cabinet du centre-ville, mais de partager mon temps comme je l'avais toujours fait entre mes 2 clientèles. 3 jours à l'hôpital public où j'assurais une prise en charge gratuite, et parfois plus sociale que médicale, des patients perdus qui avaient atterri là, et 3 jours à la clinique où s'étiolaient les aristocratiques fins de race et les fruits gâtés d'une bourgeoisie étouffante. Je ne saurais dire pourquoi j'ai toujours tenu absolument, et contre toute attente, à me partager entre ces 2 publics, sans parvenir à trancher. J'avais de la compassion et de la pitié pour les malades les plus démunis. J'avais surtout peut-être, et pour être tout à fait honnête, le sentiment d'un devoir sacré que je devais rendre à leur faiblesse et à leur dénuement. C'était par conviction politique, par positionnement dans la société que je voulais être ce médecin du peuple, ce savant qui soulage les ignorants par les bienfaits de ses lumières, sans les juger jamais. J'étais doux avec eux, et ils disaient de moi que je n'étais pas fier, peut-être bien à cause du fait que j'étais noir. Je leur ai fait tout le bien que j'ai pu, c'est-à-dire pas grand-chose. Un peu de compréhension dans une vie où ils en manquaient, un peu de parole dans un silence qui parfois les tuait à petit feu. Mais je n'ai pas rencontré parmi ces patients-là de ces énigmes singulières qui défient l'intelligence du scientifique. Intellectuellement, c'était les cas de la clinique qui me fascinaient et me préoccupaient le plus. Et c'est à eux que je pensais en dehors de mes heures de travail. Comment exprimer ce paradoxe honteux qui révolte la partie de moi qui est communiste? Je vais pourtant m'y astreindre car je ne veux me recouvrir d'aucun voile. Le clivage est partout, en tout homme, et en moi comme ailleurs. Je défendais, et je défends toujours, la cause des opprimés, des exploités, des sans-culture, des désœuvrés, et pourtant, leur compagnie m'intéresse moins que celle des classes supérieures, dans laquelle mon esprit trouve une nourriture plus solide. La culture creuse un fossé, que même l'argent ne creuse pas. Car on peut perdre sans argent, mais on ne perd jamais la culture, qui vous transforme à tout jamais. Les maoïstes, pour aller jusqu'au bout, avaient raison de vouloir détruire la culture bourgeoise et de brûler les livres et de persécuter les intellectuels, car ces derniers ne peuvent faire partie du peuple, même lorsqu'ils en sont issus. Je me suis toujours efforcé de me tenir sur une ligne de crête improbable entre ma négritude et le monde blanc, entre le peuple souffrant et mes confrères bourgeois, entre mes devoirs de médecin de campagne et mes réflexions de plus en plus pointues sur la psychanalyse. Car c'est bien de psychanalyse qu'il s'agissait pour moi plus que de psychiatrie. Prescrire des neuroleptiques, des anxiolytiques, évaluer les comportements, endiguer les violences, était de mon devoir, mais écouter ces torrents de mots, débordants, inquiétants, intrigants, s'y accoutumer, y chercher des schémas, des récurrences, des associations, réfléchir de longues minutes à la question unique que l'on m'a posée et qui va faire dévier le torrent, parfois hors de son lit, parfois avec violence, afin de faire jaillir un nouveau motif, éprouver la joie étrange de la compréhension, lorsqu'enfin le torrent s'organise et devient lisible, et l'autre joie, tout aussi brûlante et inavouable, du patient qui craque, qui pleure, qui exude la souffrance contenue en lui depuis des années, comme un abcès qui crève enfin, et dont le flot de pus qui trouve enfin le chemin de l'extérieur et qui perce, promet soudain la guérison. Toutes mes souffrances, toutes mes joies professionnelles sont là, dans ce huis clos troublant et obsédant de l'analyse. Analyser un être humain n'est-il pas l'expérience intellectuelle la plus radicale et la plus passionnante qu'on puisse imaginer? Mais je me laisse emporter, car ce métier a aussi son lot amer d'impuissance, d'échec et de remords, et c'est ce qui me vaut de revenir à mon sujet, à Audrey H. 8 années passèrent donc, durant lesquelles je n'entendis plus parler des H, excepté à travers le prisme du candidaton provincial qui assure, plus qu'à Paris, une relative continuité relationnelle. J'avais reçu leurs vœux en janvier 1967, mais ce fut là une occasion unique qu'ils ne renouvelèrent pas lorsque le souvenir de l'avortement, qui se passa sans encombre, fut oublié. La révolution de mai 68 glissa sur eux comme sur une étoffe imperméable. M. H., en 1975, portait seulement les cheveux un peu plus longs et faisait à la mode de l'époque quelques infimes concessions dans la forme de ses costumes. Quant à Mme H., elle avait ce privilège de l'élégance qui consiste à ne choisir dans les modes nouvelles que quelques détails subalternes sans que l'essentiel de la mise s'en trouve profondément modifié. Elle avait l'air moins juvénile, mais elle était toujours belle à l'approche de la quarantaine, d'une beauté moins mutine et plus lascive, moins dénudée et plus suggestive. De la même manière qu'elle assortissait ses vêtements à son teint et évitait de s'habiller en blanc lorsqu'elle était pâle, elle évita de paraître plus jeune lorsque son visage se marqua légèrement et n'en fut que plus épanouie. Certaines femmes ont ce don précieux de vieillir en toute plénitude, sachant les arcanes mystérieux qui la font s'adapter à son âge et paraître toujours belle. Elles chaussent leur âge comme des bottes de 7 lieues. Lorsque tant de femmes mûrissantes, mal à l'aise avec le grain de leur peau, comme avec un habit emprunté, s'enferment pour toujours dans la maladresse ou la laideur. Je me rends compte, à lire ces lignes que je viens d'écrire, à quel point Mme H. me fascine, et quel nœud de sentiments mêlés, dont le plus positif est une forme d'admiration, et le plus négatif une horreur profonde, j'éprouve pour elle. Cela n'a en soi et encore aujourd'hui aucune importance, mais je mesure ce qu'ont dû éprouver pour elle ses enfants. Les enfants aiment toujours leur mère, même quand elle ne le mérite pas, par une grâce qui leur est particulière. Mais ils perçoivent aussi tout le reste, l'horreur et la terreur, le frisson du doute, celui du remords, l'étau de la haine. Quand ils m'amenèrent Audrey, alors âgée de 14 ans, c'était, je m'en souviens, quelques jours à peine avant son anniversaire, elle était atteinte d'une crise de mutisme qui durait depuis plusieurs jours, ils ne savaient dire au juste combien, car elle parlait peu et ils avaient, mon cœur se serre à cette pensée, peut-être mis quelque temps à s'apercevoir qu'elle ne parlait plus du tout. S'en étaient suivis les cris, les menaces, les supplications, les châtiments, les tentatives de parole, les gifles, les cadeaux. Mais Audrey ne parlait pas, comme si elle avait perdu l'usage de la parole. Elle pleurait parfois ou faisait un sourire, plus rarement, mais pas un mot ne sortait de ses lèvres. M. H. semblait trouver que sa femme avait réagi de manière excessive et qu'il s'agissait là d'une banale crise d'adolescence, du moins c'était ce qu'il disait, mais je percevais en lui une angoisse anormalement élevée. Audrey était une jeune fille gauche, qui aurait pu être jolie, mais dont la souffrance voûtait le dos et crispait les traits en des rictus involontaires. Elle ne dit rien pendant l'entretien, assez bref, où ils me consultèrent. Je proposais, avec force précaution oratoire, une hospitalisation. Je m'attendais à un refus de leur part et fus extrêmement surpris de les entendre accepter cette solution avec un soulagement évident. Audrey nous écoutait comme si elle était idiote, comme si elle n'avait jamais appris à parler. Elle ne réagissait pas lorsqu'on parlait d'elle, et comme je l'observais du coin de l'œil, je remarquais qu'elle avait la même expression effarée que je l'avais vue lorsqu'elle était toute petite, devant le cadavre mouillé de sa sœur. L'expression de qui soutient l'insoutenable, pensais-je, l'hébétude de l'esprit et du sentiment comme unique réponse à l'assaut imparable de la réalité. Les formalités ne prirent pas beaucoup de temps et je choisis pour Audrey une des plus jolies chambres de la clinique. Elle se laissa habiller de la blouse blanche sans lacets. Elle se laissa guider dans les couloirs, doucher, nourrir, enfermer. Elle n'opposa aucune résistance, ne manifesta pas de tristesse, regarda avec gravité les gens qui lui adressaient la parole avant de tourner la tête lentement vers autre chose. J'avais besoin de temps pour l'aborder. Elle avait besoin de temps pour se remettre. On venait chez elle d'assiéger son silence et, connaissant Mme H., je supposais que l'assaut avait été violent. Il fallait lui montrer qu'elle était en sûreté, dans un espace où elle avait le droit de se taire autant qu'elle le voudrait. Le lendemain, je décidai de la soustraire aux obligations des patients réguliers et de lui rendre 2 visites quotidiennes. Je me souviens du visage d'Audrey dans tous ses états, à 3 ans, à 14, à 20, à 34, dans le mouvement de la vie et dans la rigidité de la mort. Je me souviens d'elle dans les formes longilignes de son adolescence et dans celles arrondies de sa grossesse. Elle avait ce que j'appelle, dans mon idiolecte personnel, un visage impressionnable. comme certains paysages labiles que le moindre vent creuse, que les marées ou les saisons bouleversent, certains visages se chiffonnent, se ratatinent, se remodèlent et rayonnent parfois au gré des événements psychiques. Sur ces visages, on peut lire comme un texte, et cela les rend beaux. J'ai dit plus haut qu'il n'y avait pas d'expérience plus radicale ni plus passionnante que l'analyse d'un être humain. Je pense également qu'il n'est pas d'objet plus beau que le visage humain pour la photographie ou pour la peinture, ni même, peut-être, pour le cinéma. Je regarde avec consternation la direction dans laquelle le vent souffle sur les sociétés d'aujourd'hui. Je vois que le visage humain, partout, perd de sa profondeur, de sa force, de sa sublime variété. Tous les gens se ressemblent. La vieillesse même ressemble à une pâle copie de la jeunesse. Les différences s'estompent, les expressions se figent, le masque les emporte. Audrey était grande et gracieuse. Elle avait les traits réguliers, les poignets et les chevilles fines des princesses de conte. Elle avait un sourire éclatant, lumineux de la blancheur de ses dents impeccablement rangées, rendue charmante par ses fossettes. Elle avait une voix nasale et chantante, un regard infiniment expressif, un vrai visage, enfin, qu'un artiste eût aimé peindre. Lorsque je vins la voir dans sa chambre, elle semblait au repos. Elle me sourit à mon entrée, et je lui adressai quelques mots de bienvenue. Elle hocha la tête comme pour s'excuser, et je m'assis sur son lit à quelque distance d'elle. « Tu es ici pour te remettre, » dis-je. Elle ne parut pas m'entendre. « Quelque chose t'arrive qui t'empêche de parler, » continuai-je doucement. « C'est pour ça que tu es ici. » Je respectais son silence comme s'il était parfaitement normal. Je m'efforçais seulement de ne pas poser de questions, de ne rien dire qui parut attendre une réponse. Parler n'est pas la seule façon de communiquer, mais c'est une façon commode, observai-je. Je la regardai et elle me rendit mon regard. Je sentais que je dérangeais sa solitude, qu'elle attendait mon départ pour se retrouver seule, tranquille, loin de toute sollicitation des adultes. J'hésitais. « Je vais te poser une question à laquelle tu pourras répondre par oui ou par non, » dis-je. « Si tu ne peux pas me répondre, ce n'est pas grave, je reviendrai demain. » Elle me regarda à nouveau d'un air un peu anxieux. « As-tu besoin de quelque chose dans ta chambre ?» Ses yeux se détendirent imperceptiblement et elle fit non de la tête. Je souris, empli d'un espoir soudain, d'un espoir fou. J'avais réussi à obtenir une réponse. Et c'était beaucoup plus que je n'espérais de ma première visite. Je sentis aussi ce déclic de compassion, cette forme de ce qu'il faut bien appeler de l'amour que nous éprouvons parfois pour certains de nos patients, ceux qui nous émeuvent, ceux qui nous marquent, ceux dont l'histoire entre en résonance profonde, inexplicablement avec la nôtre. Audrey avait l'âge des bavardages futiles et interminables, l'âge de parler sans réfléchir, et non celui de réfléchir sans parler. Et je la laissais, le cœur étreint d'une grande tristesse, dans cette chambre impersonnelle où ses parents l'avaient abandonnée parce qu'elle ne savait plus parler. Le lendemain et le surlendemain, mes visites furent accueillies de la même manière. Audrey ne refusait pas le thérapeute. Elle n'avait pas même à 14 ans, de complaisance envers ses symptômes. Certains patients, plus nombreux qu'on ne croit, s'identifient à leur maladie au point de ne pouvoir s'en séparer. Audrey, elle, en vaillant petit soldat, était en guerre permanente contre sa faiblesse. Elle se soumettait à tout, même à ce qui l'épuisait, de bonne grâce. Elle attrapait toujours la main tendue. La communication entre nous devenait plus sereine, plus facile, mais elle ne parlait toujours pas. Le troisième jour, j'essayais d'avancer un peu plus loin. « Sais-tu de quelle couleur sont les pommes de mes mains ?» demandai-je. Elle fit non de la tête d'un air espiègle. « Elles sont roses, » lui dis-je, « plus roses que les tiennes. » Elle était amusée et je commençais à voir ses fossettes. « Tu ne me crois pas ?» Elle fit non de la tête, en riant, bien qu'elle ait déjà vu mes mains. « Et ma plante de pied est pareille, » dis-je. Je m'arrêtai volontairement. Elle attendait en souriant toujours. La paume des mains et la plante des pieds sont des parties tendres, secrètes, que je ne montre pas à tout le monde. Elle avança sa main et prit l'une des miennes pour la retourner. Et elle sourit, non pas d'amusement cette fois, mais parce qu'elle trouvait cela jolie, cette paume tendre et rose. Je serrai sa main doucement. « On ne peut pas frapper avec des mains comme ça, » dis-je, dans une inspiration soudaine. Elle était incrédule et commença à se prendre à la fable. « Là d'où vous venez, les mamans ont toutes les pommes roses ?» Elle avait parlé sans faire attention et je m'efforçais de maîtriser mon intense émotion. J'aimerais te répondre que les mères sur mon île ne donnent jamais de tape, mais ce ne serait pas vrai. Les mères de mon île ont souvent beaucoup d'enfants et elles les élèvent souvent toutes seules. Elles sont parfois obligées de se montrer dures pour faire respecter la loi. C'est ainsi qu'elles essayent d'être de bonnes mères. Le regard d'Audrey se troubla, se perdit comme à l'intérieur et je n'obtins plus de réponse d'elle, même de la tête, ce jour-là. Elle ne reparla pas de plusieurs jours. Après ce miracle inattendu, la rechute me paraissait plus cruelle. Audrey n'en paraissait pas consciente. Elle me recevait toujours avec aménité. Je fis diverses tentatives infructueuses. Je lui parlais de Jessica un jour. Je tentais de la faire réagir en lui parlant d'elle, Audrey. Ce jour où je l'avais rencontrée la première fois. Elle m'écouta avec intérêt, mais elle ne parla pas. Ce n'était pas la bonne clé. Un soir, je m'enfermais dans mon bureau à la clinique et veillais à ce qu'on ne me dérangeât pas. J'allumais une première cigarette et tentais de rendre mon esprit disponible à de nouvelles logiques, à de nouvelles associations. C'était là un exercice familier, mais toujours inattendu et toujours périlleux. Et elle a cessé de parler chez elle, me disais-je, pour une raison inconnue, que les parents ignorent ou semblent ignorer. Elle ne refuse pas de communiquer. Je ne lui fais pas peur. Elle a prononcé une phrase, une seule fois, pour poser une question. « Là d'où vous venez, les mamans ont toutes les pommes roses ?» Le contexte était celui de l'intimité, du secret. Je lui avais dit que je ne montrais pas ces parties tendres à tout le monde. Je lui avais dit que ces mains-là ne pouvaient pas frapper. Elle ne m'avait pourtant pas demandé si les mamans frappaient, et j'avais peut-être répondu à côté, avec ma remarque sur les mères de mon île, obligées de faire respecter la loi. Cela l'avait renfermée. Peut-être parce que je ne répondais pas à sa question, parce que sa question voulait dire autre chose. C'est moi qui avais induit cette histoire de main qui frappe, et à bien réfléchir, je ne croyais pas à la thèse de la maltraitance physique. Des mains, des paumes. Roses, des pommes roses de maman, là d'où vous venez. J'allumai ma seconde cigarette et laissai le tabac aiguiser mon esprit. Les pommes, les roses, rappelaient un jardin d'ailleurs, un Éden. C'est elle qui avait introduit le mot de maman, moi je ne lui avais parlé que des mains. Mains, maman, je pensais aux mains de Madame H, blanche, gracieuse, délicate, aux ongles longs et rouges, une pomme rose, une main aux ongles rouges. La mère aux pommes roses caresse. La mère aux mains rouges, que fait-elle? Elle tue, elle griffe, elle pince. Les mains, les pinces, les pognes. Avoir les mains sales, se salir les mains, avoir la main, elle jouait au bridge. Reprendre la main, avoir la main mise. Mettre la main sur. Donner la main à. Manu militari. Une main de fer dans un gant de velours. Manipuler. La main était celle qui régnait, celle qu'on représente parfois au bout des sceptres royaux, la main du pouvoir. La troisième cigarette commençait à me donner des palpitations. Il y avait d'un côté le jardin, les pommes, les roses, l'ailleurs, la caresse. Il y avait de l'autre côté le contrôle, la manipulation, la main de fer aux ongles rouges. Audrey m'avait demandé si d'autres mères existaient. Je lui avais répondu que non, comme un imbécile. J'aurais dû continuer ma fable. Le thérapeute n'a pas besoin de dire la vérité historique et géographique. Il lui suffit de dire la vérité du cœur. Oui, d'autres mères existent. La vie n'est pas si noire. Audrey, seulement la tienne. Toutes les mères ne sont pas comme la tienne. Et toi, tu seras une mère aux pommes roses. L'excès de nicotine me donnait à présent une nausée légère et ma méditation m'avait épuisé. Je rentrais chez moi dans l'impatience de revoir Audrey le lendemain matin. Durant la soirée, je ne pus m'empêcher de repenser à la question d'Audrey. Ailleurs, quelque part, existe-t-il de bonnes mères, inoffensives et douces? Comme il était difficile de répondre à cette question. Même la littérature et la mythologie ne m'aidaient guère. Il n'y a pas de reine Lear, ni de mère Goriot, seulement des Médées, des Folcoches, des mères abandonnant leurs enfants dans la forêt. Des marâtres odieuses de jalousie et de favoritisme. Qu'allais-je dire à Audrey? Il me restait bien la Vierge Marie, mais... Mes yeux tombèrent, oserais-je dire par hasard, sur une de ces babioles florentines que l'on vend dans les boutiques de souvenirs, que ma femme avait voulu emporter. Je dois dire à sa décharge qu'en Italie, l'art infuse toutes choses, même les plus vulgaires. Les mendiants chantent de l'opéra ou récitent du Dante, et les boutiques de souvenirs bradent des reproductions de Raphaël. L'art est banal et nécessaire en Italie, plus que partout ailleurs au monde. Il s'agit de l'air même qu'on respire. Bref, il s'agissait d'une petite reproduction peinte sur bois d'une Madone de Botticelli ou peut-être de Lippi. Elle était assez petite pour tenir dans la main, mais était reproduite avec grâce. La Madone, nimbée d'une lumière ou plutôt d'une transparence discrète, était de profil, la tête légèrement penchée, les yeux baissés, drapée dans la soie de ses cheveux et de ses vêtements ondoyants, une main tendue devant elle en un mouvement singulier, très beau, malgré son manque de naturel, assez typique de la Renaissance. Et cette main, fine et déliée, qui se tendait peut-être vers l'enfant qu'on ne voyait pas dans ce détail, était ouverte et montrait une pomme de nacre, une pomme ouverte comme un cœur sacré, lumineuse. J'emportais cette petite icône, emplie du sentiment soudain que cette image était nécessaire à Audrey, qu'elle s'emboîtait parfaitement dans mon analyse, qu'elle était la clé de sa parole retrouvée. Et je ne me trompais pas. D'où viennent ces intuitions que nous avons parfois et qui nous guident à travers cette forêt de symboles? Comment expliquer qu'entre les mots de la question d'Audrey, mes propres réflexions rationnelles et cet objet, le sens pût circuler comme en un milieu homogène? Comment pouvais-je savoir, avec cette certitude étrange, parce qu'étrangère à toute mathématique, que ce tableau était la réponse à sa mystérieuse question? Peut-être est-ce là tout ce qui fait le prix, inestimable, incompréhensible, de la relation entre l'analysant et l'analysé. Peut-être personne n'est-il à même de le concevoir. Il existe parfois ce qu'il faut appeler une connexion, un pont qui s'établit entre deux inconscients. Et nous assistons à leur dialogue avec la même humilité que nous aurions, en écoutant par miracle parler la langue des dieux, dans une terreur sacrée et une ivresse ineffable. Le lendemain, lorsque je revins dans la chambre d'Audrey, je ne parlais pas. Je lui montrai le tableau qu'elle contempla longuement, très longuement, et qu'elle caressa du bout de ses doigts. « Elle ressemble à Hélène, » murmura-t-elle. « Hélène, » répétai-je doucement. « Maman ne veut plus que je la voie. » Ce jour-là et les jours suivants, Audrey parla suffisamment pour que je puisse reconstituer l'histoire d'Hélène. Elle m'en offrit un récit à la fois très vivant et très décousu, une série de petits tableaux qui me dépeignaient leur amitié d'une manière plus fine et plus émouvante qu'aucun récit n'eût pu le faire. Hélène était la fille unique d'un couple de pépiniéristes qui tenait aussi une boutique de fleurs. Ses parents travaillant beaucoup, elle était souvent désœuvrée et se promenait assez librement dans le village. La pépinière jouxtait l'un des bords du jardin de la Pommeraie, et Hélène passait beaucoup d'après-midi là, aérée et divaguée par tous les temps, pendant que ses parents étaient occupés à leur travail. Audrey et elle s'étaient rencontrées au collège, et bien qu'elles ne fussent pas dans la même classe, elles s'étaient parlé. Elles s'étaient donné rendez-vous au fond du jardin des Haches, où une brèche dans la haie végétale permettait à Hélène de passer, moyennant quelques égratignures et quelques déchirures sur ses vêtements. Audrey et elle s'étaient liées d'une amitié immense. Elles échangeaient de menus objets, des pierres, des morceaux de verre, des images, des robes de poupées. Elles imaginaient des royaumes menacés. Elles s'inventaient des pouvoirs magiques. Elles dessinaient, elles chantaient, elles se déguisaient, elles se peignaient les cheveux et y tressaient des fleurs lorsque le printemps approchait. Hélène était blonde et bouclée avec des yeux bleus magnifiques et un sourire de poupée. Audrey ne se lassait pas de la coiffer, de lui raconter ses malheurs, de lui parler de sa petite sœur morte. Elle l'aidait à faire ses devoirs, et toutes deux se contaient leur avenir commun, leur avenir de délivrance, où elles jouaient à modeler toutes les formes du bonheur. Pierre connaissait Hélène et couvrait souvent sa sœur. Monsieur H. avait bien vu la brèche agrandie dans le fond de son jardin, et les biscuits, et les couvertures, et les colliers de fleurs jetés au hasard. Il avait vu un jour Audrey avec Hélène, mais ne l'avait pas grondée. Un jour, cependant, un jour de grande chaleur où les deux jeunes filles avaient couru et s'étaient fatiguées plus que de coutume, elles s'étaient endormies profondément, tendrement enlacées, les cheveux de l'une mélangés à ceux de l'autre, les doigts entrelacés. Et ce jour-là, Madame H. avait besoin d'Audrey pour un essayage. Il devait se rendre au baptême d'une petite cousine le lendemain. Elle l'avait cherché partout. Son impatience grandissait, ainsi qu'une sourde inquiétude. Elle s'était mise à courir le jardin, elle avait été à l'étang, au verger, et les avait finalement découvertes. Audrey avait été réveillée par ses cris. Hélène s'était enfuie par le trou, décoiffée et la toilette dérangée. Madame H était hors d'elle. Il y avait eu une scène qu'Audrey avait du mal à retranscrire. Puis une punition et surtout, surtout, l'interdiction de fréquenter Hélène. Elle l'avait traitée de vicieuse, de sauvageonne, de va-nu-pied. Elle avait exigé de son mari qu'il ferme hermétiquement cette partie de la clôture. Elle avait traité Audrey de menteuse, de sournoise, de dissimulée. Elle avait aussi grondé Pierre pour avoir protégé les amitiés coupables de sa sœur. Elle avait fait un tel scandale que tout le monde dans la famille finit par oublier qu'Audrey n'avait rien fait de mal. Cela s'était passé un mois auparavant et Audrey, courageusement, écrivait des lettres à Hélène et les lui donnait à l'école. Mais les vacances étaient arrivées et l'enfer domestique recommença. Pierre était en vacances chez un ami. Monsieur H travaillait tard. Il n'y avait que le tête-à-tête avec Madame H. Les remontrances, les soupirs, les conversations exaspérées. Alors, naturellement, Audrey s'était arrêtée de parler. Lorsque je reçus les H quelques jours plus tard, ils furent remarquablement ponctuels et durent même m'attendre quelques minutes dans la salle d'attente de mon bureau. Je leur avais expressément demandé d'éviter les visites pendant les deux premières semaines. Ils avaient pris des nouvelles par téléphone, surtout Monsieur H. Je les avais tenus au courant des progrès d'Audrey. Elle a dit quelques mots. Elle n'a pas reparlé. Elle reparle normalement avec moi, mais pas avec tout le monde. Ils n'avaient pas insisté, pas posé de questions. Et puis je leur avais demandé de venir. Audrey était sortie de sa crise de mutisme et devait en toute logique retourner chez elle, même si ni elle, ni ses parents, ni moi ne le souhaitions particulièrement. « Alors, docteur, ça y est, vous ne l'avez remise sur pied ?» demanda Madame H, très souriante lorsqu'elle me vit arriver. Elle devait espérer confusément que notre entretien serait léger, que je traiterais ce mutisme comme une grippe passagère, que nous n'aborderions pas de questions personnelles, mais elle savait au fond d'elle-même qu'elle n'y échapperait pas. Je m'assis sans répondre, après leur avoir serré la main gravement à tous deux. Je pris une inspiration, puis commençai. Je n'aime pas m'adresser aux parents, à la famille de mes patients, mais c'est une partie importante, essentielle, de mon métier. L'intérêt de la famille diverge souvent de celui du patient, alors il faut composer. Écouter sans trop compatir, respecter sans juger, mais sans perdre de vue que ces mêmes personnes qui pleurent devant vous et devant lesquelles vous avez tendance à prendre une attitude empathique sont aussi les personnages des histoires cruelles que vous avez entendues. Cela demande une grande, une profonde sagesse que nous autres thérapeutes n'avons que rarement. Audrey est une adolescente extrêmement sensible, commençai-je par dire. Certaines personnes, par nature, sont plus perméables que d'autres aux événements de la vie. C'est une chance pour les artistes, c'est une malédiction pour ceux qui doivent régner. C'est une faiblesse avec laquelle ces personnes doivent vivre. Et s'ils avaient le choix, elles seraient plus fortes. Je veux dire par là que sa sensibilité n'est pas un acte délibéré de sa part, et lorsque cet excès vous agace, vous dérange, vous perturbe, c'est tout à fait normal. Mais vous ne devez pas perdre de vue que ce n'est pas de sa faute. Vous devez l'aider à gérer cette sensibilité. Vous devez éviter de la heurter, même si parfois j'en ai conscience, ce n'est guère facile. Je sentis Madame H se raidir. Monsieur H, lui, écoutait posément. Certains événements dans la vie d'Audrey ont pris un relief que vous ne soupçonnez pas. Certaines décisions que vous prenez, certaines expressions que vous employez, certains aléas de l'existence résonnent pour elle de façon terrifiante et la plongent dans l'angoisse. Elle ne parle pas de cette angoisse, car elle s'interdit d'en parler, pour ne pas vous déranger, car elle a honte de cette faiblesse. Vous, de votre côté, ne vous rendez pas compte de tout cela, et l'angoisse s'accumule parfois de manière insupportable, comprenez-vous ? Vous êtes en train de nous dire que nous devons faire plus attention à elle, parce qu'elle est plus sensible que nous ne le pensons. Reformula Monsieur H. C'est bien cela ? Oui, répondis-je. Pensez-vous à un événement particulier ? Demanda Madame H. assez froidement. Oui, mais je voulais vous préparer. Cela va vous surprendre. Vous risquez de ne pas comprendre, mais vous ne devez pas vous braquer. Continuez, docteur, dit M. H. Vous avez pris une décision il y a plusieurs semaines qui vous semblait judicieuse, et Conneret a paru accepter sur le moment, mais qui a entraîné chez elle un effondrement progressif. Je ne vois pas, dit Mme H., dont les beaux yeux brillants semblaient purs de tout mensonge. Audrey était très liée avec une jeune fille appelée Hélène. Ah, dit Mme H., dans un soupir agacé, c'est cela. Je réfléchis avant de continuer. Je ne devais pas accuser Mme H. Je ne devais pas l'avoir pour ennemie, car si elle sortait de mon bureau en furie, je ne reverrais jamais Audrey et ne pourrais plus jamais l'aider. Je devais trouver quelque chose de plausible et qui ne l'incrimine pas. Audrey a perdu sa petite sœur lorsqu'elle avait 3 ans, repris-je. Moi, j'ai perdu ma fille, se récria-t-elle. Bien sûr, Mme H., mais vous étiez adulte et vous étiez forte. C'est elle qui a fait cette crise de mutisme qui nous a tous inquiétés. C'est elle qui ne va pas bien. C'est donc d'elle que nous parlons en ce moment. Et elle a perdu sa petite sœur à un âge très tendre. Je me suis toujours demandé si elle s'en souvenait, dit Mme H. plus doucement. Elle n'en parle jamais. Elle s'en souvient, dis-je. Mais l'essentiel, ce que vous devez comprendre, c'est qu'elle s'est construite amputée de ce double, privée de cette compagne. Elle cherchera probablement toute sa vie à se lier avec des filles de son âge pour partager ce qu'elle ne peut partager avec sa sœur. Mme H. eut un soupir de soulagement imperceptible. C'était merveilleux, cette explication. Cela arrangeait tout. Cela lui permettait presque de plaindre Audrey. Moi seul devais savoir que ce n'était pas à cause de la mort de Jessica qu'Audrey rechercherait toujours des figures féminines aux paumes ouvertes, mais bien à cause d'elle, sa mère et de sa main de fer. Cette vérité n'était pas bonne à dire. Cette jeune fille, Hélène, est très importante pour elle, plus que vous ne l'imaginez. Que voulez-vous dire? Elle lui permet de partager, de communiquer, de s'épancher, de se construire. Couper court à cette relation a été catastrophique. Madame H. hésita. Je le comprends, dit-elle. Mais vous savez, je les ai trouvés enlacés comme... Enfin, vous me comprenez. Cela me fait penser à une amitié particulière. Je souris intérieurement. À cette époque, l'homosexualité réelle ou supposée revêtait des noms fleuris. Amitié particulière, garçon sensible. Madame H., pardonnez-moi d'être direct, mais si Audrey construit son identité autour d'une homosexualité, ce que je ne pense pas, ce n'est pas en chassant ses amis que vous l'en empêcherez. Il ne s'agit pas d'un défaut que l'on corrige ou d'une maladie que l'on guérit. Elle n'en retint à ma phrase que ce qui l'intéressait. « Vous ne pensez pas que ce soit le cas ?»« Non, dis-je. Je peux me tromper, mais je ne le pense pas. » Madame H. se tourna vers son mari en souriant. Je les observais et compris que c'était là ce dont ils avaient peur. Le mutisme, la clinique, tout cela n'était rien comparé au verdict qu'ils redoutaient d'entendre. La honte, l'opprobre pour leur fille, le déshonneur pour la maison. « Devons-nous recevoir cette jeune fille chez nous ?» demanda M. H. « Je ne saurais que trop vous le conseiller, » dis-je. « C'est tout ?» demanda son épouse avec un soulagement rayonnant. « Non, » dis-je, « autre chose. Lors de son séjour dans notre clinique, j'ai pu constater une autre bizarrerie dans le comportement d'Audrey. « Comment s'occupe-t-elle de ses affaires à la maison ?»« Elle est très souillante, » dit Mme H. « Elle ne range rien. C'est un sujet continuel de dispute entre nous. » Je ne sais pas de qui elle tient. Elle ne ferme aucun tiroir, elle répand tout autour d'elle. En quelques minutes, elle transforme une pièce bien rangée en champ de bataille. En effet, j'ai constaté la même chose, même si ma terminologie va vous paraître différente de la vôtre. Je dirais qu'Audrey développe une phobie de l'ordre et du vide. Une pièce rangée pour elle une source d'angoisse. Elle personnalise l'espace autant qu'elle le peut. Ce désordre que vous les voyez, c'est son empreinte, sa marque. Sa manière de s'approprier un territoire hostile. Que voulez-vous dire quand vous dites que l'ordre l'angoisse? Elle se sent mal lorsqu'elle n'a pas mis son désordre quelque part. A-t-elle mis le désordre dans sa chambre ici? Oui, et je l'ai laissé faire. Mais on ne peut pas lui laisser faire ça tout le temps, dit Madame H. Je suggère que vous lui laissiez un espace, sa chambre par exemple, où elle puisse agir et déranger tout à sa guise. En échange, demandez-lui de respecter l'ordre dans le reste de la maison. Madame H. était si stupéfaite qu'elle ne songea pas à répondre. Nous allons y réfléchir, dit M. H. Y a-t-il d'autres conseils que nous devons entendre ? Non, dis-je, pas pour le moment. Ou seulement un conseil général ? Audrey est fragile, elle a besoin de douceur. Madame H. avait les larmes aux yeux. M. H., quant à lui, était resté très calme et très digne. Je le retins un moment tandis que l'infirmière accompagnait sa femme jusqu'à la chambre d'Audrey. « Monsieur H. ?»« Oui. »« Même si vous êtes moins souvent à la maison, vous êtes responsable d'Audrey et de Pierre autant que votre épouse. Il est de votre devoir d'intervenir quand vous le jugez nécessaire. » Je le regardais avec des yeux pénétrants. Je cherchais à évaluer l'impact de ce que je lui disais. Il prit acte de mes paroles, gravement, en hochant la tête. « Je tâcherai de m'en souvenir, docteur, et je vous remercie pour votre travail remarquable. »« N'hésitez pas à me ramener Audrey, » dis-je. « Vous pensez qu'elle risque de rechuter ?»« Je pense qu'elle est fragile. »« Son contact avec moi est bon. »« Si le besoin s'en fait sentir, on peut envisager une thérapie régulière. »« Je m'en souviendrai le cas échéant, » me dit-il avec un sourire assez franc. Je l'ai laissé partir sans retourner voir Audrey, à qui j'avais dit au revoir le matin. Je ne savais pas quand je la reverrais, mais M. H. me la ramènerait un jour, effondrée. Je le savais au plus profond de moi, comme si je l'avais lu quelque part dans le livre du destin.